Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'une des exactions les plus choquantes de la dictature militaire en Argentine, le vol de bébés. Entre 1976 et 1983, la junte militaire au pouvoir enlève, torture, puis assassine plus de 30 000 militants, étudiants, syndicalistes, opposants au régime. Des subvertis, comme les désignent les militaires. Des disparus pour leurs familles. D'ailleurs, un euphémisme utilisé en Argentine pour atténuer la vérité, les disparus ne reviendront pas. Parmi eux, des femmes enceintes et des jeunes mamans qui l'on a systématiquement retiré leur bébé pour les confier à des familles proches du régime. 500 enfants en bas âge, ainsi sauvés de cette prétendue subversion communiste et immorale qui menaçait, selon la dictature, la société argentine. Depuis plus de 40 ans, leur grand-mère, elle-même mère de disparus, se battent pour les retrouver. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Notre invité aujourd'hui, le grand reporter et documentariste franco-argentin Alexandro Valenti. Il a réalisé en 2012 « Argentine, les 500 bébés volés de la dictature ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mais je vous rappelle d'abord ces deux nouvelles qui viennent de tomber. En Argentine d'abord, la présidente Isabel Perón serait prisonnière de l'armée qui l'aurait kidnappée dans son palais. Madame Perón serait actuellement à bord d'un avion la transportant en exil dans une ville du sud de l'Argentine, El Mesidor. Il s'agit donc d'un putsch militaire. Les dépêches nous parviennent les unes après les autres. C'est ainsi que j'apprends que des soldats en tenue de combat occupent le centre de Buenos Aires. Le pays va être maintenant dirigé par un triumvirat composé des chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine. Enfin, les 62 syndicats du pays, les 62 syndicats argentins, ont décrété une grève illimitée. Dans la nuit du 24 au 25 mars 1976, des militaires forcent l'hélicoptère privé de la présidente argentine Isabel Perón à atterrir. C'est un coup d'état. Un de plus dans cette Amérique latine qui le collectionne dans ses années 70. La présidente est emprisonnée et démise de ses fonctions par une junte militaire dirigée par le général Jorge Rafael Videla. La femme de Juan Perón, l'ancien président argentin, figure politique majeure du pays, lui a succédé à sa mort en 1974. Depuis 3 ans seulement, Juan, puis Isabel Perón, dirige démocratiquement le pays après 4 dictatures successives. La démocratie, mais surtout de nombreuses réformes dans les domaines de la santé, de l'éducation et des droits au travail, ont valu au mouvement péroniste le soutien des classes populaires. Mais l'Argentine qu'Isabel Perón laisse aux putschistes en 76 est un pays économiquement et socialement défait par 30 ans d'instabilité politique. Depuis 1966 et la dictature de la révolution argentine, des groupes armés déchirent le pays. D'un côté, des guérillas marxistes, maoïstes ou guévaristes qui combattent pour instaurer une révolution communiste. De l'autre, des groupes armés d'extrême droite qui mènent eux aussi des actions violentes contre des militants argentins de gauche. Ce 24 mars 1976, quand le général Jorge Videla prend le pouvoir, la société argentine, plutôt acquise au Perón, mais fatigué par ces violences perpétuelles et par la crise économique, accueille le coup d'État sans émotion particulière, comme résigné. Et puis, c'est le 5e putsch militaire en 46 ans alors. Bref, pas vraiment de résistance. Une partie des Argentins le soutiennent même, et l'Église catholique rosie de plaisir face au discours anticommuniste des militaires qui, de surcroît, promettent de rétablir l'ordre moral chrétien en Argentine. Nouveau mariage heureux entre le glaive et le goupillon. Aux États-Unis, le président Gerald Ford, prévenu de l'imminence d'un putsch dès février, soutient financièrement les militaires argentins et leur détestation du communisme. Guerre froide oblige, les ennemis de mes amis sont mes amis. À la Maison-Blanche, on se félicite. L'ambassadeur américain en Argentine estime que Videla est un modéré et qu'il s'agit probablement, je le cite, du coup d'État le mieux exécuté et le plus civilisé de tous ceux de l'histoire argentine. Videla prouvera bientôt qu'il a du mot civilisé une notion bien particulière. Mais en mars 76, personne ne peut prévoir les drames, ni imaginer les crimes à venir. Les militaires qui, cette nuit, ont pris le pouvoir en Argentine, ont décidé de suspendre toute la liberté démocratique dans ce pays. C'est une véritable dictature qui semble s'instaurer en Argentine. Absolue fermeté dans l'exercice sévère de l'autorité afin d'extirper les vices qui affectent l'Argentine, tel est le programme de la junte qui contrôle maintenant le pays. À la tête du processus de réorganisation nationale, c'est le nom que s'est officiellement donné la dictature militaire argentine, le général Videla, donc, un physique sec comme une trique, commandant en chef de l'armée argentine depuis 1975, il dirige désormais une junte au projet assez flou, qui repose surtout sur l'élimination de ceux qu'il appelle les subversifs. Un terme qui recouvre des réalités variées et fluctuantes. Dans un premier temps, la junte appelle subversifs les guerrieros de gauche et d'extrême gauche qui luttent par les armes contre la dictature. Les montoneros et le RP étant les principales organisations armées du pays, mais le régime étend rapidement l'accusation au-delà du militantisme politique. Les étudiants qui protestent contre la hausse des frais d'inscription universitaire décidés par la junte, mais aussi des syndicalistes et des journalistes, deviennent des cibles. Le régime étend la répression à la société civile dans son ensemble, pour instaurer un climat de peur et scinder la population en deux. Oui, d'un côté les gens bien, les vrais Argentins, de l'autre les subversifs et leurs amis. Au lendemain du putsch, le général Iberico Sagan, gouverneur de la province de Buenos Aires, le déclare sans détour. D'abord, nous tuerons tous les subversifs, ensuite leurs collaborateurs, ensuite leurs sympathisants, puis ceux qui demeurent indifférents. Et enfin, pour terminer, nous tuerons les indécis. Pas jugé, pas enfermé, vous l'avez entendu, non, tuer. Le ton est donné. Pour anéantir la subversion, ce sont les mots du général Videla, la dictature met en place ce qu'elle appelle la guerre sale, autrement dit l'élimination massive et méthodique de toute résistance organisée. Les disparitions forcées, marque de fabrique de la junte, se succèdent par milliers. Des opposants et leurs sympathisants sont arrêtés chez eux, puis enfermés dans l'un des 600 centres clandestins de détention du pays. Des prisons non officielles donc, qui échappent à tout cadre juridique, où des milliers de détenus vivent dans des conditions inimaginables. Les yeux bandés, couchés sur le sol toute la journée dans une niche, ils ne se lèvent que pour être torturés. Le plus connu de ces centres clandestins de détention, c'est l'ESMA, l'école de mécanique de la marine, en plein cœur de Buenos Aires. Enrique Fuchman y a passé 15 mois. Il raconte. Ici, il y avait plusieurs pièces. Au milieu, il y avait un couloir que les officiers avaient baptisé l'avenue du bonheur, parce qu'il conduisait à trois pièces, les salles de torture. Quand je suis arrivé ici, ils m'ont fait me déshabiller, ils m'ont attaché un lit et ils ont commencé à me torturer à l'électricité. C'était ça, la cérémonie de bienvenue à l'ESMA. On entendait des bruits de bottes et là, le garde donnait un coup dans la première paillasse, celle de Topo. Moi, j'étais le cinquième. On entendait dire à Topo, lève-toi. On entendait les chaînes de Topo bouger. Après, on entendait le garde lui dire, retourne-toi. Et là, la seule chose qu'on entendait, c'était le bruit des coups. Et quand il disait à Mario, allonge-toi, j'étais soulagé parce qu'il avait fini de frapper mon camarade. Et en même temps, j'étais désespéré parce que le suivant, c'était moi. Et c'était comme ça tous les jours. Les femmes, ils ne les frappaient pas. Mais Teresa, à chaque fois qu'elle descendait pour aller aux toilettes, au retour, il la violait. Enrique Fuchman est l'un des rares détenus à avoir été libéré des centres clandestins de détention. La très grande majorité des disparus meurent en captivité, à force de torture ou assassinés. Certains détenus sont drogués, puis jetés dans deux avions, dans les fleuves du pays lors de ce qu'on appelle les vols de la mort. Au total, ce sont près de 30 000 personnes qui disparaissent entre 1976 et 1983 sans que leur famille ne tienne d'explication, car pour le pouvoir, personne n'a disparu. Face aux accusations d'Amnesty International, l'ambassadeur argentin en France ose cette réponse. Dans l'émission de France Inter, le téléphone sonne. Nous sommes en 1978. le général Videla, parle de disparition triste réalité et que dans le même temps, vous considérez, vous et votre gouvernement, que la lutte contre les bandes subversives de délinquants marxistes, puisque c'est l'expression exacte qu'on emploie dans votre pays pour parler de ceux qui sont les membres de l'ERP ou des Montoneros, on se demande si vous avez gagné cette guerre contre tous ceux qui voulaient votre fin. On se demande pourquoi vous continuez d'emprisonner, pourquoi vous continuez de ne pas donner de nouvelles. Moi, je pense que tout ça, c'est toute l'histoire de la légende noire qu'on a fait sur le pays. La lutte contre la subversion était très dure jusqu'à 1976. Si vous regardez les statistiques, vous dites qu'on est en train encore d'emprisonner, on est en train encore de disparaître des gens. Ça, les dernières statistiques que nous avons démontrent que c'est complètement fini. Cette étape des gens mis en prison, comme dans tous les pays du monde, il y a des gens qui se portent mal et on les met en prison. Mais ça n'a rien à voir avec le problème de la subversion. Légende noire, tu parles. Jusqu'en 1983, les enlèvements, la torture, les assassinats sont monnaie courante dans le pays. Parmi les disparus, de jeunes adultes, moyenne d'âge 25 ans, mais aussi des enfants. Car un tiers des personnes enlevées par les militaires sont des femmes et certaines sont enceintes. Des femmes qu'on maintient volontairement en vie jusqu'à l'accouchement dans des maternités aménagées au cœur des centres de détention avant de les tuer. Les nouveaux-nés sont ensuite donnés à des familles militaires, à des proches du régime, mais aussi parfois à des gens ignorant tout des origines de l'enfant qui leur est confié. L'objectif de ces enlèvements systématiques, qui ont parfois lieu avant la mise en captivité des mères quand le bébé est déjà né, c'est d'empêcher la subversion de se diffuser à travers les familles de subversif. Pour Videla et ses sbires, l'idéalisme, l'engagement, le non-conformisme sont des tares qui se transmettent de génération en génération, dont acte. En 1976, Chica Mariani est professeur d'art plastique à La Plata. Ce 24 novembre, 8 mois pile après le coup d'État, elle rentre chez elle pour garder sa petite fille, Clara Anaï. Mais l'enfant et sa mère n'arrivent jamais, et pour cause. La mère, Diana Terougui, a été tuée d'une balle dans le dos dans l'attaque d'une imprimerie clandestine. La grand-mère, sous le choc, apprend que le bébé a été emmené par les militaires. Chica Mariani raconte, dans le documentaire d'Alexandre Valenti, intitulé « Argentine, les 500 bébés volés de la dictature ». J'ai commencé à la rechercher, seule de mon côté, là où mon intuition me disait qu'il y avait une raison d'aller. Par exemple, le premier endroit où je suis allée, c'était la cathédrale de La Plata, pour essayer de parler avec Monseigneur Plaza, qui était l'évêque. Il ne m'a pas reçue. C'est son auxiliaire qui m'a reçue. Et sans se lever de sa chaise, sans me proposer de m'asseoir, il m'a dit « Laissez cette fille là où elle est. Elle est très bien là où elle est. Elle va très bien. Vous pouvez être tranquille. Elle est dans de bonnes mains. » Et comme j'insistais, je criais, je pleurais, il m'a montré la porte. Et il a croisé sa soutane et il m'a dit « Dehors, priez. » Chica Mariani et d'autres grands-mères de disparus, impuissantes, vont ainsi se confronter à l'administration de la dictature et à l'Église qui soutient le vol de bébés. On les renvoie également à leurs propres responsabilités. Leurs enfants ont disparu parce que ses parents sont subversifs. Leurs petits-enfants le seraient devenus également. Et ce sont elles les responsables, puisqu'elles les ont élevés. Por algo será. C'est pour une bonne raison. Devient alors une phrase emblématique de la dictature que les mères de disparus et les grands-mères de bébés volés s'entendent systématiquement répondre. Face au mur de mensonges auxquels elles se heurtent, elles vont alors s'unir pour obtenir la vérité. Yeah. de Santa Maria del Guanay. Sensible, Fabrice Drouel. Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Le 30 avril 1977, un an après le coup d'état militaire en Argentine, 14 femmes, 14 mères dont l'enfant a été enlevé par la dictature se réunissent sur la place de Mai à Buenos Aires, en face du siège du gouvernement. On les appellera bientôt les Madres de Plaza de Mayo, que la dictature appellera avec tout le dédain et la haine qui la caractérise, les folles de la place de Mai. Leur objectif à ces femmes, attirer l'attention du chef de la junte, Jorge Videla, sur la disparition de leurs enfants, militants, journalistes, syndicalistes, étudiants, et obtenir une entrevue avec lui. Tous les jeudis à 15h30, elles se retrouveront désormais sur la place de Mai, où elles tourneront en cercle autour de l'obélisque, par dizaines, mais deux par deux, oui, les unes derrière les autres, pour contrecarrer l'interdiction du droit de réunion. Sur leur tête, des langes en tissu blanc avec le nom de leur fille et de leur fils disparu. Rapidement, toutes ces mères de famille prennent conscience de la responsabilité des dignitaires qu'elles ont naïvement appelés à l'aide au début. Elles le savent désormais, leurs enfants sont des prisonniers politiques, victimes du terrorisme d'État. Pourtant, et elles insistent sur ce point, leurs revendications ne relèvent pas du militantisme. Certaines d'ailleurs, avant que leurs enfants ne disparaissent, ont soutenu le coup d'État. Inquiète de ces voix détonnantes, la junte, qui ne connaît que la force, va d'abord tenter de les faire taire. En décembre 1977, trois fondatrices de l'association et deux nonnes françaises qui les soutenaient sont assassinées par le commando du colonel Alfredo Astiz, un militaire infiltré depuis plusieurs semaines au sein des mers. L'armée diffuse alors des photomontages pour prouver que les religieuses ont été enlevées par l'organisation de gauche Montoneros. Cecilia Vasquez de Lucie, elle, est arrêtée avec son frère, puis libérée. Elle raconte sur Antenne 2. Vous tournez donc sur la place de Mai en posant la question non pas où est mon fils, mais où est mon mari, et vous avez été arrêté. Alors comment êtes-vous revenu, si j'ose dire, à la surface? Parce que les disparus, ce qui les caractérise, c'est qu'on ne sait pas où ils sont, voilà. Ni sous quel chef d'accusation ils ont été arrêtés. Oui, c'est quelque chose que je me demande toujours, pourquoi moi, et pourquoi pas les autres, pourquoi pas mon frère, par exemple. Est-ce que vous pensez que le travail effectué justement par les femmes, oui, de la place de Mai a été utile dans votre récupération, si j'ose m'exprimer ainsi? Oui, ils ont tout de suite dénoncé mon disparition, et puis ici en Europe aussi, ça a été dénoncé, et les militaires ont choisi une façon de me faire reconnaître, me faire apparaître, c'était de me passer à la justice militaire. Mais comme il n'y avait pas d'acte de guerre justement à juger, si ce n'était des manifestations dans la rue, alors j'ai été relâchée finalement. Peu à peu, les rangs des maires de la place de Mai vont grossir, malgré les menaces du régime. Et bientôt, d'autres femmes vont elles aussi porter leurs revendications sur la place publique. Un an après l'assassinat de sa fille et l'enlèvement de sa petite fille, Chica Mariani, la professeure d'art plastique de La Plata, entend parler d'une femme dans son cas, Alicia Zubasnabar de la Quadra, qui a perdu son fils, sa fille, son gendre et leur bébé. Inspirées par les maires de la place de Mai, les deux femmes décident de s'y réunir avec d'autres grands-mères et de s'organiser. Le 22 octobre 1977, elles sont 12 face au siège de la dictature. Il y a là des institutrices, des femmes au foyer, des fonctionnaires, toutes différentes, mais toutes mères de disparus et grand-mères de bébés volés qu'elles n'ont parfois même pas eu le temps de connaître. Ce sont les Abuelas de Plaza de Mayo, l'association des grand-mères de la place de Mai. Des grand-mères qui savent maintenant que leurs enfants disparus ne reviendront plus et qui se promettent de tout faire pour retrouver leurs petits-enfants. Rosa Rosenblit, l'une des fondatrices de l'association, se souvient dans le documentaire d'Alexandre Valenti, Argentine, les 500 bébés volés de la dictature. Nous nous réunissions pour imaginer des stratégies, des idées, partager nos douleurs, nos larmes, nos peines, des nouvelles. Par exemple, il y avait des grand-mères qui savaient cuisiner, alors elles cuisinaient pour le groupe. D'autres grand-mères savaient écrire à la machine, elles tapaient des lettres. D'autres savaient s'exprimer en public, dire des choses, chacune faisait ce qu'elle savait faire de mieux. Et c'est comme ça que nous nous sommes organisés. Au tout début, on se réunissait dans les salons de thé. On faisait croire qu'on célébrait un anniversaire, par exemple. Même le serveur ne devait pas savoir qui nous étions. On se passait des papiers sous la table, des papiers pour les informations que nous avions trouvées, sur ce qu'on faisait chacune de notre côté, sur ce que nous organisions. Les bébés n'ont pas été volés, mais abandonnés par leurs subversifs de parents, mentent les autorités. Pour cela, ils ont été confiés à l'adoption. Certaines grand-mères ne connaissent même pas le sexe et le nom du nouveau-né, ce qui est le cas pour les naissances en prison. Alors, l'association des grand-mères de la place de Mai recueille des informations et recherche des témoins survivants des camps de détention, voisins ou fonctionnaires de l'administration. Petit à petit, leurs méthodes et leurs revendications se structurent. Pour faire progresser leurs recherches, les grand-mères de la place de Mai publient des encarts payants dans la presse, dans lesquels elles en appellent à la charité chrétienne des lecteurs, pour inciter aux dénonciations. Et progressivement, elles commencent à obtenir quelques informations. Il se trouve que le combat des grand-mères touche davantage les Argentins que celui des mères, dont les enfants ne sont peut-être pas aussi innocents qu'elles ne le disent, pensent certains. Mais c'est surtout à l'étranger que les abuelas de la place de Mai vont se faire entendre. Attention, va tirar, pelota para Kempe, tiró, atacó el arquero, se la capó, gol, Argentina, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. En juin 78, l'Argentine accueille la Coupe du Monde de football. Un événement pour le pays, pour le peuple, pour la dictature, pour les stars argentines du ballon rond, comme Mario Kempes ou Daniel Passarella, mais aussi pour les mères et les grands-mères de la place de Mai, qui vont profiter de la médiatisation de la compétition. En France, le 3 juin 1978, deux jours après le lancement de la Coupe du Monde, volé solide au passage par la dictature argentine à coup d'intimidation sur le Pérou, par exemple. Mais c'est une autre histoire. Antenne 2 diffuse ce reportage. Hier soir, Patrick Poivre d'Arvor vous l'annonçait, la police argentine a essayé de saisir un reportage tourné par l'une de nos équipes. Un reportage où il n'était certes pas question de sport. Richard Diot et Jean-François Renoux avaient voulu rencontrer, il y a deux jours, celle qu'un officier argentin appelait aujourd'hui les folles de la place de Mai. En dépit de la réaction de la police argentine, nos envoyés spéciaux ont pu nous faire parvenir cet après-midi les images qu'ils ont tournées jeudi. C'est l'autre face de la Coupe du Monde. Nous, les femmes d'Argentine, on vit beaucoup de douleur, de tristesse, d'angoisse. Ils nous ont enlevé ce qu'on avait de plus cher, à nous les mères. Ils nous ont pris nos enfants et nous ne savons rien d'eux. S'ils sont morts ou vivants, s'ils souffrent, s'ils ont faim. Notre désespoir, c'est de ne pas savoir à qui nous en remettre. La dictature argentine se sait sous les projecteurs. Depuis plusieurs mois maintenant, malgré les dénégations de la junte, les organisations de défense des droits humains et en premier lieu Amnesty International condamnent la guerre sale menée par le régime. Pour le pouvoir, il s'agit de redorer son image, mais aussi d'exalter le patriotisme. Qui ne participe pas aux célébrations de la Coupe du Monde n'est pas argentin, et les folles de la place de Mai en sont régulièrement expulsées. Malgré les victoires successives de l'équipe d'Argentine jusqu'à la finale remportée contre les Pays-Bas, événement qui mobilise tout le monde, les mères et les grands-mères ne baissent pas la garde. Elles ne le savent pas, mais certains de leurs enfants sont encore enfermés à l'ESMA, non loin du stade de Buenos Aires. De leur geôle, ils entendent les cris de la victoire en Coupe du Monde. Et pour les opposants à la dictature, cette victoire en finale est un coup dur, car symboliquement, c'est la junte qui en récolte les fruits. Il faut voir Videla et sa clique d'assassins pérorer dans la tribune le jour du sacre. Une insulte à toute la souffrance du peuple. Mais c'est aussi un mal pour un bien, parce que désormais, et grâce à la Coupe du Monde finalement, le monde entier connaît les mères et les grands-mères de la place de Mai. Et au fil du temps, elles vont recevoir des soutiens venus de l'étranger. Des experts d'abord, avocats, psychologues, mais aussi des financements de la part d'institutions internationales. Des mères et des grands-mères sont invitées en Europe et aux États-Unis pour sensibiliser l'opinion publique à leur cause. La France, où se sont réfugiés plus de 2000 Argentins en exil, va même parvenir à faire pression pour libérer 8 disparus, ainsi que les 2 enfants d'une Française assassinée en 1977, Françoise Dautier. Entre 1976 et 1982, les abuelas de la place de Mai vont retrouver 4 autres petits-enfants adoptés dans des orphelinats par des familles qui ignoraient tout de leur passé. Des situations rendues possibles grâce aux parents adoptifs qui, dans le doute, contactèrent eux-mêmes les grands-mères. Des situations isolées, cependant, puisque la plupart des enfants volés furent confiés à des familles de militaires pour éviter justement que la subversion ne se répande. Pour les grands-mères, ces 4 enfants sont comme autant de signes d'espoir, mais aussi un coup de massue. Comme l'explique Chica Mariani dans le documentaire d'Alexandre Valenti, Argentine, les 500 bébés volés de la dictature. Retrouver un enfant, c'était aussi la certitude que leurs parents ne reviendraient jamais. Et ça, toutes les grands-mères nous l'avons ressenti. Nous avons mis du temps avant de nous en rendre compte. C'était en même temps un coup dur et une énorme joie. Mais au tournant des années 80, un espoir surgit pour les grands-mères. C'est Chica Mariani, cofondatrice des Abuelas de la place de Mai, qui entend la première parler de tests ADN. Ah, et si le sang pouvait révéler les liens qui les unissent à leurs petits-enfants volés? À l'époque, les chercheurs eux-mêmes ne savent pas si c'est possible. La professeure Marie-Claire King, généticienne, et Fred Allen, spécialiste du sang, y travaille depuis les États-Unis et le démontre dès 1980. Les analyses sanguines des grands-parents, des oncles et des tantes permettent d'établir de façon fiable un taux de grand-parentalité. Une victoire pour les grands-mères, qui pour le moment ne sert à rien, quand bien même elles ont repéré leurs petits-enfants. Tant que dure la dictature, elles ne pourront pas faire réaliser de tels tests en Argentine. Mais, la dictature n'est pas éternelle. En 1982, le pouvoir argentin décide d'affirmer sa souveraineté sur les îles Malouines et s'engage dans une guerre absurde contre l'un des pays militairement les plus performants du monde, une vraie grande puissance, le Royaume-Uni. Évidemment, après quelques succès au début de la guerre, les Argentins finissent par être battus à plat de couture en quelques semaines, ce qui précipite la chute du régime pervers de la junte militaire et qui laisse place à des élections démocratiques, oui. Le 30 octobre 1983, élection soutenue par les observateurs internationaux. Reportage à Buenos Aires, d'Ulysse Gosset, sur France Inter. Ensemble, nous commençons à vivre 100 ans de liberté, de paix et de démocratie. Il est 13h à Buenos Aires sur la grande place de Mai. L'homme qui parle, c'est bien sûr Raoul Alfonsine, le nouveau président argentin. Devant lui, des centaines de milliers de personnes en liesse, venues saluer ce jour historique qui voit l'Argentine passer de la dictature à la démocratie. Le 33e président argentin tire un trait sur le régime militaire qui préférait, dit-il, les balles de revolver aux lois démocratiques. Il confirme que les responsables de la répression qui a fait 30 000 disparus seront punis. Enfin, sur la Plaza de Mayo, où sont encore et toujours les maires des disparus, Raoul Alfonsine appelle à l'Union nationale. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. La mission du président Raoul Alfonsine, élu au premier tour avec plus de 50% des voix, est immense. Il doit remettre sur pied un pays économiquement dévasté et panser les plaies de 7 années de dictature. Parmi ses missions, décider du sort des anciens dirigeants responsables de près de 30 000 disparitions et du vol de 500 bébés. En 1985, les chefs de la junte, les généraux Videla et Massera, sont condamnés une première fois à la perpétuité, avant d'être amnistiés avec d'autres dignitaires par les lois dites du point final et de l'obéissance due en 1986 et 1987. Des lois confirmées par la grâce présidentielle accordée aux militaires par le nouveau président Carlos Menem en 1990. Des années 80 jusqu'à aujourd'hui, au fil des présidents, se succèdent en Argentine condamnation et politique d'amnistie. Des décisions contradictoires qui illustrent la volonté de réduire la fracture entre les Argentins, tout en assurant que les crimes du passé ne sont pas oubliés. Nunca más, comme on dit en espagnol, plus jamais ça. Nunca más, justement, c'est ce pourquoi se battent les grands-mères de la place de Mai. Dès les premiers instants du retour à la démocratie, elles vont donner à leur combat un nouveau tournant. Le jour même de l'élection du président Raoul Alfonsine, le 13 décembre 1983, la grand-mère Elsa Pavón dépose une plainte. Elle pense avoir retrouvé sa petite fille Paola chez des militaires de l'ex-dictature. La justice accepte de se saisir du dossier et, pour la première fois, un test sanguin est demandé pour estimer le taux de grand-parentalité reliant la petite fille à Elsa Pavón. En 1984, c'est officiel. Paola Eva Logares, enlevée à 18 mois en 1978, est bien la petite fille de sa grand-mère à qui elle est confiée. C'est une première victoire pour toutes les abuelas de la place de Mai, mais aussi une prise de conscience violente. Et si les petits-enfants ne voulaient pas de leur famille biologique? Paola Logares et sa grand-mère se souviennent dans Argentine les 500 bébés volés de la dictature. Quand on est arrivé au tribunal, ils m'ont séparé des gens avec qui j'étais venue et ils m'ont dit « Il y a une dame qui te cherche, elle dit qu'elle est ta grand-mère, que les gens avec qui tu vis ne sont pas tes parents. Maintenant, on va te la présenter. » Et elle est entrée dans la salle, elle avait des photos. Je l'ai rejetée d'abord, je lui ai dit que je ne l'aimais pas. Elle me dit, tu n'es personne. La seule chose que tu veux, c'est nous pourrir la vie. Détruire notre foyer. Ces mots ne sont pas ceux d'une fillette. Alors le juge lui a dit, ça suffit, donne-moi la main. Nous allons à la maison de la maman de ta maman. Arrête de crier. « Tu n'es rien pour moi », des mots qui étaient ceux de ses parents adoptifs, expliquera Paola Logares des années plus tard. Une situation complexe, comme les grands-mères de la place de Mai vont en connaître des dizaines d'autres, et qui questionne également la justice. À qui confier l'enfant? Aux grands-parents maternels, paternels, à ses oncles et tantes? Comment faire quand l'enfant n'habite pas la même ville, le même pays? Et quand il est en âge de décider, peut-il refuser de se soumettre au test? Car certains enfants, élevés dans les familles conservatrices et pro-dictature, n'ont pas envie d'avoir du sang de subversif dans les veines, ils y croient encore. Beaucoup, tout simplement, aiment les parents qui les ont élevés, leurs parents adoptifs. D'autres, au contraire, sont ravis de pouvoir changer de famille et portent même plainte contre ceux qui leur ont dérobé leur identité. C'est le cas de Maria Eugenia, dans ce reportage de Stéphanie Pérez pour France 3. Elle s'appelle Maria Eugenia, et non Violeta, comme ses parents adoptifs le lui ont fait croire pendant des années. Cette jeune femme de 30 ans vient de remporter une victoire qui fera date dans l'histoire de l'Argentine. Pendant la dictature, ses parents, des militants communistes, sont arrêtés et vraisemblablement assassinés. Elle n'est alors qu'un bébé qu'un couple proche des militaires au pouvoir va adopter. Première des enfants de disparus à porter plainte contre ses parents adoptifs, elle vient d'obtenir leur condamnation à 8 et 7 ans de prison. Ce jugement est injuste parce que ceux qui ont enlevé Maria Eugenia et le militaire qui a servi d'intermédiaire sont reconnus coupables de crimes d'enlèvement d'enfants et des délits de falsification de documents. Voici le père adoptif de Maria Eugenia qui lui a caché pendant plus de 20 ans sa véritable identité et les circonstances de son adoption. Le visage fermé, il maintient qu'il est innocent. Je n'en veux pas à Maria Eugenia. Je l'aimerai toute ma vie. C'est tout. Amour, ressentiment, peur, chacun doit composer avec ses notions contradictoires. Dans la majorité des cas, cependant, le bonheur de connaître la vérité compense le traumatisme de ces enfants qui s'engagent bien souvent aux côtés de l'association des Abuelas, de la place de Mai. Au fil des années, grâce à des campagnes de sensibilisation diffusées à la télé et à la mise en place de la première banque génétique au monde, des dizaines d'entre eux sont retrouvés. Beaucoup se présentent de même aux grands-mères de la place de Mai, dont le travail a permis d'identifier 128 des 500 enfants enlevés ou nés en détention entre 1976 et 1983. Un chiffre qu'elles espèrent voir grossir malgré les années qui passent. En 2014, Estella de Carlotto, 84 ans, présidente des grands-mères, annonçait avec émotion avoir retrouvé son petit-fils Guido après une recherche qui aura duré 36 ans. Chica Mariani, cofondatrice de l'association, elle n'a pas encore retrouvé sa petite fille, Clara Anaï. L'histoire des bébés volés de leur grand-mère émeut encore aujourd'hui l'Argentine. Pourtant, les enlèvements d'enfants ont longtemps été considérés par la justice du pays comme des cas isolés, punis de quelques années de prison et non comme l'une des armes de la guerre sale menée par la dictature. Il faut attendre le procès historique de 2012 pour que le général Videla et cet ancien responsable soient condamnés à la juste mesure de leur crime, la prison à perpétuité. Pour la première fois, le vol d'enfants est considéré comme une pratique systématique et planifiée de la dictature. Une condamnation qui n'est que la revanche des perdants, estime l'ancien dictateur Videla lors du procès. Il mourra l'année suivante et là, ce sera la revanche de la démocratie. Escribo sobre un destino que apenas puedo tocar. En tanto un niño se inventa con pegamento un hogar, mientras busco las palabras hacer esta canción. Un niño esquiva las balas que buscan su corazón. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre. Juega la Navidad, arma lejos un pesebre, juega la Navidad, y juega la Navidad, y juega, y juega. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les bébés volés en Argentine lors de la dictature. Nous allons en parler avec notre invité, le réalisateur Alexandre Valenti. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez remarqué, là, je m'adresse aux auditeurs que j'ai cité 5 ou 6 fois avant les archives le titre de votre documentaire. D'abord parce que ça me fait plaisir de le faire aussi pour une question de droit. Donc, je me suis pas mis à radoter, mais pour une question de droit, on le dit à chaque fois. Donc, Argentine, les 500 bébés volés de la dictature, récompensés au FIPA, Festival International des Programmes Audiovisuels, et au FIGRA, Festival International du Grand Reportage d'Actualité, en 2013. Alexandre Valenti, vous êtes argentin. L'affaire des bébés volés de la dictature, est-ce que c'est aussi votre histoire? Et je dirais, je fais partie des gens nés en Argentine et qui ont, ma génération a souffert, je dirais, a vécu des pleins fouets et l'arrivée de la dictature. C'est-à-dire, j'étais étudiant universitaire, 22 ans, et j'étudiais en cinéma, j'avais un père photographe qui m'avait appris la photo, donc, métier artistique. Et du jour au lendemain, on est devenu des terroristes. Donc, quand les amis ont commencé à disparaître, et moi, j'ai pris le chemin de l'exil. Donc, j'ai fait un passage d'un an, une année au Brésil, et puis je suis arrivé en 77 en France. Donc, c'est vrai, et quand on a des amis qui ont vécu l'enfance, l'adolescence, et qui aujourd'hui, on sait qu'ils sont disparus. Donc, mais quand on a découvert après comment ça s'est passé, c'est vrai qu'on n'arrive pas à fermer ce cycle d'horreur qu'a été la dictature. On en a eu des images justement avec la Coupe du Monde pour tous les gens qui n'étaient jamais allés en Argentine. Et puis à l'occasion de la Coupe du Monde, je me souviens du débat terrible. Est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller? Certains disaient justement allons-y, ça va mettre le projecteur sur le drame que vivent les Argentins hein, également. Quelle était votre position dans ce débat? À cette époque-là, vous. Après, on passera au bébé, mais je voulais sonder quelques-uns de vos souvenirs. La Coupe du Monde, pour les militaires, était, je dirais, une façon de montrer comment vider la... Il y a cette fameuse phrase de Videla là, le lendemain, que l'Argentine championne du monde, nous avons gagné au monde. C'est-à-dire, c'est un peu un combat de l'Argentine contre le monde, dans le sens que le monde critiquait l'Argentine, c'est-à-dire l'Argentine a vaincu. Mais en fait, on sait que déjà la Coupe du Monde était une façon de s'affranchir, je dirais, de tout le poids que la presse internationale et que tout le monde mettait sur les dos de cette dictature pour dire voilà, on est un pays comme Videla la disait, droit et humain. Donc mais ce qu'on sait pas très bien, c'est en France et une unité d'intelligence de l'ESMA était venue ils ont créé à Paris un centre pilote dans lequel a participé le fameux Alfredo Astiz. Un centre de torture, hein? Non. Un centre pilote d'intelligence d'espionnage à Paris pour dénicher, avant la Coupe du Monde, qui étaient les journalistes, qui étaient les opposants, d'accord, qui menaient campagne contre la Coupe du Monde, pour informer Buenos Aires et dire, attention, cette journaliste ou cette personne-là, c'est... Il faut la surveiller. Ouais. Ces centres pilotes a fonctionné à Paris, ils avaient un appartement dans le 16e arrondissement. Donc, et pour simplifier, j'ai un ami qui est décédé malheureusement, qui était un exilé, qui se réunissait toutes les semaines. Et un jour, il y a un jeune qui faisait des photos. Et lui, il a dit que c'était passé pour un exilé aussi. Et lui, il a dit, non, tu fais pas des photos ici, personne n'a fait, donne-moi la pellicule. Et il a donné la pellicule, ces gens-là étaient Astiz. Ouais. Il avait infiltré les mouvements. Donc, c'est pas innocent. C'est-à-dire, il avait tous les services d'intelligence que déjà, la Coupe du Monde devait être la vitrine pour montrer une autre Argentine. Alors qu'à l'ESMA, l'école nationale, l'école de mécanique de la marine, en plein cœur de Buenos Aires, on torturait à côté du stade. Et, pardon, en tout cas. Les lendemains de la victoire de l'Argentine, il y a eu une naissance à l'ESMA. Une femme prisonnière qui a passé quelques mois, cagoulée, menottée, enceinte, a donné naissance. C'est-à-dire, je me souviens, Miriam Lewin, une survivante de la ESMA, elle disait, on entendait les cris de la foule en délire de l'Argentine qui venait de vaincre la Coupe du Monde. On entendait dans les combles de la ESMA, où était le camp des clandestins de détention, on entendait les cris de cette foule en délire. Et à ces moments-là, on s'est dit, c'est fini. L'Argentine, on a une dictature pour 40 ans encore. Les ténèbres sont tombées sur le pays, quoi. C'est-à-dire, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que suite au lendemain de la dictature, les militaires ont fait ce choix de dire la répression. On va voir, il y a deux étapes, la répression visible et la répression invisible. Mmh. C'est-à-dire la création des c'est appelé les CDD, Centres de Détention Clandestins. C'est-à-dire, c'était un monde souterrain où il n'y avait pas de loi, rien. On abolit tous les principes qui règlent une société, je dirais, avec ses lois. C'est un monde sans loi. Et c'est dans cet univers que ça a été créé, l'ESMA. Il y a eu 600 centres de détention clandestins. Quelques-uns ont duré un mois, mais la ESMA, c'est 5000 prisonniers qui ont transité. Mais à grande échelle, quoi. 200 survivants. 200 sur 5000. Sur 5000. Donc, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc, et dans ces contextes, l'histoire des BV, c'est un chapitre à part. Parce que déjà, amener quelqu'un, le faire disparaître, le faire subir tout ce qu'on peut imaginer des plus terribles que s'est passé dans ces sous-sols ou dans ces lieux de non-droit, des nues vies, comme on dit. Si on ajoute à cela une femme enceinte, oui, je vous écoute, qui attend la naissance d'un bébé, vous imaginez quelqu'un comment cette femme peut se projeter dans l'avenir et dire, elle voyait l'horreur. Elle était menottée, elle était cagoulée. Qu'est-ce qui va devenir cet enfant ? Il va naître. Bien sûr. Mais elle ne savait pas que cet enfant était déjà programmé, qu'il y avait des listes d'attente, pour des familles. Que tout ça était géré. Et contrairement à ce qu'on a pu dire à l'époque, oui, bon, il y a eu des femmes qui ont accouché, qui ont pris le bébé. Non, ce n'était pas le cas d'un foyer qui a pris le bébé. C'était un plan systématique organisé au plus haut niveau de l'État. L'histoire dont nous parlons n'est pas qu'une page d'histoire, ça continue. Hein, c'est pas... Alors, on retrouve des bébés. Moi, j'ai cité un chiffre, d'ailleurs, il en manque deux. Exact, le dernier... Donc, comme quoi, ça évolue tout le temps. Et c'est loin d'être fini. Le dernier, j'appelle des CBV, quand il a été effectivement volé... approprié par des... Dans ce cas, le dernier aussi, c'est par des tortionnaires. Et le dernier est apparu en juin dernier, il y a deux mois. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que 41 ans après, quelqu'un découvre que ses parents ne sont pas ses parents, sont peut-être, ou parfois, très souvent, celui qui a tué ou été complice de la mort de ses vrais parents. Et c'est celle-là qui donne une autre dimension à cette histoire, qui va au-delà, je dirais, du crime en lui-même. Est-ce qu'on est dans le crime contre l'humanité ? Voilà. Et en fait, et c'est ça qui pour moi était le déclencheur du documentaire. C'est-à-dire, j'avais travaillé pendant des longues, longues années sur la dictature, mais quand apparut l'histoire de ces procès, dont l'intitulé du procès c'était « Argentine, vol des VV, génocide ». Crime contre l'humanité, ouais. Plan systématique d'État. En fait, dans ces procès qui a duré 10 mois, que j'ai suivi entièrement, c'était démontré que cette histoire des bébés, ce n'était pas, comme j'ai dit, le cas isolé de quelques foualiers qui séquestraient, s'est approprié. C'était un plan organisé au plus haut niveau de l'État. Et la différence, c'est que l'Argentine est devenue un exemple pour le monde. Il y a peu, rares sont les pays qui ont jugé ses propres concitoyens pour crimes contre l'humanité. En France, on a attendu Jacques Chirac pour dire la France, sous l'Algérie, on n'a jamais jugé personne. Ouais. Et l'Argentine, aujourd'hui, il y a eu plus de 1000 procès. Il y a eu plus de 800 militaires qui ont été inculpés. C'est-à-dire, c'est quelque chose de unique dans le monde. Et la société argentine, aujourd'hui, a cette conscience-là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la mémoire courte, hein, la preuve. Et vous savez, on ne construit pas l'avenir en oubliant. en effaçant le passé. Cette histoire, comme a voulu faire, je sais, c'est pas le président Alfonsine. Alfonsine a fait deux lois, je pense, sous la pression des militaires, parce que toutes les structures militaires étaient encore en place. Il a réussi à mettre devant un procès tous les généraux, Videla, Massera, tous les militaires responsables, mais pas tous les autres. Et le président Menem a amnistié tout le monde. Donc, mais, et c'est là aussi, pour moi, c'est quelque chose de très important et qui dans le film est très, très clair, c'est la dimension politique qui manque aujourd'hui, même dans le monde que l'on vit. Il y a un président, le président Kirchner, qui a dit, ce n'est pas possible que tous ces crimes restent impunis. Bien sûr. Et du jour au lendemain, il a décidé d'abolir les lois d'amnistie. Du jour au lendemain, tous ces militaires qui coulaient des jours paisibles se sont vus, on va dire, pas inculpés, mais avec une porte ouverte à un procès équitable. Démocratique. Démocratique, qui pouvait revenir sur des faits pour voir si c'était des actions criminelles ou pas. C'est important ce que vous dites, parce que beaucoup de pays qui ont connu des heures sombres ne veulent pas régler leurs comptes au nom d'une unité nationale qu'il faut reconstruire. Parfois, ça fonctionne, il y a eu l'Afrique du Sud, c'est passé en Afrique du Sud. Mais là, en Argentine, on dit, ok, on veut bien reconstituer la nation argentine, mais les crimes ne restent pas impunis. C'est ce que vous me dites là. Voilà, je vais insister sur quelque chose. Et c'est intéressant parce que mon film, j'ai accepté, a été utilisé au Brésil. Oui. Quand Dilma Rousseff a créé la Commission de la Vérité pour savoir ce qui s'est passé sous la dictature brésilienne, et le ministère de la Justice brésilien a utilisé mon film avec d'autres films pour, effectivement, parler de la problématique des faits, enfin la relation justice avec des actes criminels commis dans une dictature. Mais le problème du Brésil, qui voulait savoir ce qui s'est passé, mais n'est pas jugé. Et c'était tout à fait l'opposé de ce qui s'est passé en Argentine. Ce qui est la signification des procès a fait que le peuple argentin, à travers les procès, la médiatisation des procès, a découvert l'histoire. Et moi-même, je dirais dans un procès comme les vols des bébés que j'ai assisté, ce qui était passionnant, c'est qu'on ne jugeait pas la subjectivité, on ne jugeait pas l'idéologie, on jugeait des faits. Ouais. Et devant les faits, il n'y a rien. La justice était... Il n'y a pas de sentiment. Et donc, le peuple argentin aujourd'hui sait ce qui s'est passé pendant la dictature. Il se reconstruit parce que justement, on lui a dit la vérité. À travers les procès, il y avait une fonction pédagogique de reconstruction de l'histoire à travers les faits qu'on ne pouvait pas nier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passe au Brésil, où vous avez un président qui vient d'arriver, comme le président Bolsonaro, qui dit « il n'y a pas eu de dictature », c'est parce que le Brésil n'a pas fait ce travail de mémoire d'aller au cœur de ces problématiques. Est-ce qu'il y a eu, très bien, c'est parfaitement clair, ce sera ma dernière question, il me reste que 30 secondes, est-ce qu'il y a eu des affaires et des drames comme celui-là, de bébés enlevés chez vos voisins chiliens du temps de Pinochet, ou au Brésil? Et il y a eu, mais pas à la dimension. L'Argentine reste un cas unique. Et même, je dirais, c'est un paradigme. Parce que c'est la première fois, effectivement. Et c'est ça qui est aussi intéressant de voir que quand les militaires ont fait tous ces, je dirais, pas seulement cette appropriation, tous ces les disparus, ils n'imaginaient pas une chose. Qu'avec quelques années après, avec la génétique, c'est toute l'histoire qui allait basculer. Bien sûr. Et toute leur histoire. Et ce sera le mot de la fin, Alexandre Valenti, si cette histoire vous touche, vous passionne et vous émeut. Donc vous pouvez revoir votre documentaire, hein. Argentine, les 500 bébés volés de la dictature. Merci infiniment, Alexandre Valenti. Merci à vous et l'histoire reste ouverte. Il faut continuer à la suivre. Au revoir, merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les bébés volés en Argentine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Romain May qui était à la technique aujourd'hui.